J'aborde une forte descente. Je freine. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux passer au point mort. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.